Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine autour de l'histoire des ruines. Après avoir évoqué l'histoire universelle des ruines, le livre que prépare ces temps-ci l'historien et archéologue Alain Schnapp, c'était lundi, puis mardi, nous être promenés dans les ruines oubliées de la guerre civile à Beyrouth, nous être demandé hier comment préserver les ruines de Pompéi par exemple, nous allons ce matin vous raconter, grâce à des textes qui seront lus par Nathalie Canoui, une histoire passionnante, celle des ruines de la Commune de Paris. Oui, car à la fin du 19e siècle, après les incendies de la Commune, Paris est apparu à une partie de l'Europe comme une sorte de Pompéi moderne. Des milliers de voyageurs se pressèrent à partir de 1871 à Paris pour visiter les ruines des Tuileries ou encore celles de l'Hôtel de Ville, au point qu'on organisait alors ce qu'on appelait des tours de ruines. On pourrait dire qu'il y avait des sortes de tours opérateurs qui étaient spécialisés justement dans ces visites des ruines de la Commune. C'est l'histoire que nous allons vous raconter ce matin avec Éric Fournier. Il est auteur de Paris en ruine, paru en 2008 aux éditions Imago, et il vient d'être élu tout juste hier, on l'a appris, maître de conférence à Paris 1 Sorbonne. On le félicite. Et Daryl Lee sera avec nous au téléphone depuis les États-Unis où il enseigne. Il est spécialiste justement lui aussi des descriptions littéraires de ces mêmes ruines de la Commune de Paris. Commençons cette émission comme nous ne l'avons pas encore fait depuis plusieurs semaines en raison des 1er et des 8 mai par une brassée de nouvelles d'histoire puisées sur les sites et dans vos journaux. Notons pour commencer que cette suite de ponts du mois de mai justement a une conséquence particulière, le nombre de colloques internationaux est absolument passionnant qui se déroulent justement cette fin de semaine parce qu'ils ne pouvaient pas se dérouler auparavant ni même à cause du week-end de l'Ascension les semaines suivantes. Si vous êtes par exemple à Athènes, courez demain assister au colloque sur la mémoire de la Première Guerre mondiale en Grèce, dans les Balkans, et vous pouvez également encore aujourd'hui assister, alors là c'est si vous êtes en France, au passionnant débat sur la Grande Guerre des Bretons à Rennes, ou courir encore également aujourd'hui et demain si vous êtes lyonnais aux deux dernières journées du colloque international qui se tient à l'École Normale Supérieure autour de l'œuvre d'Edouard Saïd, un colloque titré Orientalisme au pluriel Occidentalisme, et s'il vous reste de l'énergie et si vous avez un bon billet de train, vous pouvez rejoindre demain les archives départementales du Nord où débutent des journées d'études sur la bataille de Bouvines à l'occasion de son 800e anniversaire. Vous pourrez ainsi écouter des communications de Dominique Barthélémy de la Sorbonne, de John Baldwin, professeur à Baltimore, de Madeleine Castellani de Lille 3 ou encore de Malte Pritzel de l'université Humboldt à Berlin. Cette chronique est souvent l'occasion pour moi de vous signaler la mise en ligne de guides de sources ou encore de nouvelles archives. Ainsi, cette semaine, le guide des sources des archives départementales de l'Isère, par exemple, sur la Grande Guerre. Mais qu'allons-nous faire de cette nouvelle masse documentaire consultable depuis nos ordinateurs? C'est la question que pose Matteo Treleani, docteur en sémiologie, enseignant à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et chercheur à l'Université Sorbonne-Nouvelle, dans un ouvrage consultable en ligne sur le site des presses universitaires de Montréal et titré « Mémoires audiovisuelles, les archives en ligne ont-elles un sens ?» Pour faire comprendre son propos, Matteo Treleani avance un exemple en ouverture de ce livre, par exemple celui d'un faux reportage diffusé à la télévision française il y a 50 ans exactement, c'était en 1964, et qui annonçait comme une sorte de canular le déplacement de quelques centaines de mètres de la tour Eiffel pour laisser la place à la construction d'un stade. Eh bien, il évoque surtout dans cet article et dans ce livre la réception aujourd'hui de cette archive, donc disponible sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, avec des internautes qui prennent au sérieux cette archive parce que c'est une archive, pourtant elle est contextualisée par l'INA sur son site, et Matteo Treleani de s'interroger sur cette mise en ligne de notre mémoire, de ces archives et les nouveaux usages qui leur sont attribués à ces archives. Ça s'appelle donc « Mémoire audiovisuelle, les archives en ligne ont-elles un sens ?» et vous trouverez le lien sur notre site tout à l'heure, à la fois donc le texte de cette chronique mise en ligne sur notre page du jour. Nos auditeurs qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale dans le Sud-Ouest, et plus particulièrement dans le Gers, seront sûrement heureux de l'apprendre, s'ils ne le savent pas déjà, que deux figures de la résistance gersoise, Guy Labedan et Pierre Perret, viennent de donner leurs archives sur la résistance aux archives départementales. Une réception a eu lieu à cette occasion la semaine dernière au Conseil général du Gers, et c'est l'occasion justement pour le journal La Dépêche d'en rendre compte, car ce ne sont pas n'importe quelles archives, ils ont été tous deux correspondants pour le Gers du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et à ce titre, ils ont recueilli pendant des années des témoignages directs et des documents, des écrits, des photos de première main qui font toute la valeur historique mémorielle de leurs précieuses archives qui occuperont désormais 30 mètres linéaires dans les réserves des archives départementales. À propos de Seconde Guerre mondiale, notre thème de la semaine et de ruines en particulier, nous apprenons cette semaine que les nouvelles autorités qui ont été élues en Serbie mettent fin à un terrible suspense en Serbie. Cela fait bien des années qu'une partie de la société civile réclame que les anciens bâtiments de la foire de Belgrade qui ont été transformés en camp de concentration en 1941 soient transformés cette fois-ci en mémorial. Jusqu'alors, alors que ce lieu était devenu le plus grand camp d'Europe du Sud-Est, dit un journal local sous le nom de Judenlager Semlin, eh bien, on ne trouvait sur place qu'une plaque et un monument dédié aux 7000 juifs qui étaient morts dans ce camp. C'est donc chose faite, on nous l'annonce cette semaine, cet endroit deviendra bientôt un mémorial. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention. Voilà, pourquoi commencer avec Mireille Mathieu? Vous le savez forcément, Eric Fournier. Pourquoi on commence avec Mireille Mathieu qui chante Paris en colère? Vous voyez pas le lien avec le sujet du jour? Parce qu'en fait, c'est la musique et la chanson au titre du grand film qui s'appelait Paris brûle-t-il. Donc Paris brûle-t-il, qui faisait évidemment référence à la crainte après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la destruction de Paris, un peu comme auparavant, au temps de la Commune, donc une commune où se sont levés justement ceux qui n'avaient pas encore de grenades, mais qui ont combattu pendant longtemps. Et pied à pied contre les forces des Versaillais, c'est le thème de l'émission du jour. Vous avez écrit Paris en ruine, du Paris haussmannien au Paris communard. Et nous avons également avec nous Daryl Lee. Bonjour Daryl Lee. Vous m'entendez Daryl Lee? Oui. Voilà, vous êtes professeur associé à l'université Brigham, donc qui est une université à côté de Salt Lake City. Et vous êtes aussi spécialiste de cette question des ruines de la commune. Mais peut-être avant de parler des ruines de la commune, il faut avec vous, Éric Fournier, parler de ce qui était le Paris de juste avant la commune, c'est-à-dire ce Paris du Second Empire et du Paris haussmannien qui était admiré par le monde entier comme étant un nouveau modèle d'urbanisme qui sera en partie détruit momentanément par la Commune. Oui, alors avant même le Paris haussmannien, le Paris du 19e siècle s'impose déjà aux yeux des contemporains comme la capitale de la modernité, la capitale du 19e siècle. Et Haussmann apporte un surcroît de prestige en termes de modernité, même si les nouveaux bâtiments, certains nouveaux bâtiments ont du mal à être acceptés dans le centre, on les juge un peu froids. On peut même s'enrhumer dans ces nouveaux boulevards. Mais globalement, effectivement, on note que le préfet a su prendre à bras-le-corps la ville, dans tous les sens du terme. Haussmann, oui. Haussmann, voilà. Dans tous les sens du terme, y compris pour mater d'éventuelles insurrections. Et globalement, ces travaux haussmanniens contribuent à attirer encore plus le regard sur Paris et ses merveilles. Oui, Paris et ses merveilles, et puis aussi la redécouverte après la chute, on le racontait la semaine dernière, la chute de l'empereur, le premier empereur, donc Napoléon, par toute l'Europe qui s'était privée de Paris pendant des années de la Révolution et de l'Empire, la redécouverte par tous ces touristes, en particulier britanniques, de ce Paris qu'ils fréquentent très assidûment, en particulier pendant le Second Empire, Éric Fournier. Oui, tout à fait, c'est le thème de la fête impériale, c'est-à-dire le Paris cosmopolite, brillant, l'art, la culture, le divertissement. Il y a une exposition universelle en 1867 qui concurrence celle de Londres avec un certain succès. Pour d'autres, notamment les catholiques intransigeants, c'est la Nouvelle Babylone comme thème. Ça c'est Louis Veuillot, vous voulez dire, voilà, par exemple. Voilà, Veuillot, exactement. Alors ça, on a le Paris d'un côté, et puis on a la ruine de l'autre. D'Arilly, il y a aussi une culture de la ruine qui remonte, en tous les cas, à avant la Révolution française pour les tableaux d'Hubert Robert et les fameuses fabriques qu'on faisait construire dans les grands parcs de ceux qui avaient été très influencés par l'architecture britannique, en particulier avant la Révolution française, mais aussi une culture de la ruine très 19e et de ces grands voyages autour des ruines que peuvent faire les intellectuels, les artistes, les écrivains tout au long du 19e siècle. On peut penser aussi, par exemple, au voyage de Flaubert et de Maxime Ducamp dans toutes ces ruines orientales et proche-orientales, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Une sorte de vision assez romantique de la ruine d'Arilly. Oui, bien sûr, et c'est ce qu'appelle Éric Fournier dans son livre « Le siècle des ruines ». La pensée donc d'un Volney, par exemple, sur l'importance historique des ruines qui nous font penser donc au passé, reprendre le passé sur des termes de la moralité, où en sommes-nous aujourd'hui, par exemple, à cause de la décadence, de la perte de la civilisation, par exemple. Donc évidemment, le 19e siècle hérite d'une histoire très riche de la ruine, qui date de la Renaissance, de l'âge des Lumières, donc, où on refait à son image la société se présente, la société du passé se présente sous forme de ces ruines. On essaie de réimaginer le passé grâce à ces objets très particuliers. Sur le plan moral, sur le plan esthétique aussi. Oui, c'était aussi une vision d'une sorte de vanité en plein air. Ces ruines sont des vanités absolument, en plein air. Oui. Qui nous raconte, Éric Fournier, que tout compte fait, les plus grandes civilisations finissent par disparaître, comme les humains finissent par disparaître de cette terre. Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce que dit Volney dans les ruines de Palmyre. C'est-à-dire là, cette civilisation brillante, il ne reste plus que des ruines. Et donc ça correspond à une lecture un peu anthropomorphique des civilisations, c'est-à-dire naissance, développement, apogée, déclin, mort. Et donc, lorsque le 19e siècle s'empare des ruines, avec son nouveau rapport au temps, marqué par le progrès, la question c'est, mais comment rompre ce cycle anthropomorphique ? Comment avoir de belles ruines tout en les surmontant ? Et c'est un peu le regret avant la Commune de certains érudits, c'est... Bon, Paris est déjà la somme moderne d'Athènes, Jérusalem et Rome. Mmh. Bon, il ne lui manque plus que des ruines magnifiques qu'il pourrait surmonter. Alors, il va les avoir. Ces ruines vont bientôt arriver. Et il faut dire aussi que ces travaux de Haussmann vont, parce qu'on va creuser le sol, on va découvrir des premières restes archéologiques en particulier, vont permettre aussi de faire surgir du sol de Paris, donc des ruines plus anciennes, et d'une certaine façon s'habituer à ce qu'il y ait dans le cœur de Paris, eh bien, justement, ces ruines, Éric Fournier. Oui, au moment des travaux haussmanniens, en fait, se confirme quelque chose que les érudits amoureux de la poésie de Paris avaient déjà noté, c'est-à-dire que la ville est une sorte de palimpseste de pierre, où sous chaque couche, finalement, comme un texte, on découvre l'ancien texte. Et ceci dit, malgré tout, la préservation des ruines ne va pas de soi une fois qu'elles sont exhumées. Les arènes de Lutèce, par exemple, appartenaient, je crois, le terrain appartenait à la compagnie des omnibus et leur conservation dans l'espace urbain n'allait pas de soi. Les thermes de Julien, ça allait un peu mieux, ne serait-ce que parce que les ruines romaines sont parfois extrêmement solides, donc c'est presque plus dur à détruire qu'à garder. Mais les érudits sont à la fois fascinés par les exhumations successives, mais certains se disent, voilà, c'est notre travail à nous érudits de les garder sur le papier et dans les mémoires, mais laissons faire aussi les édiles modernes qui vont nous faire une cité magnifique et moderne. Alors donc cette cité moderne est quasiment terminée au moment de la chute de Napoléon III et patatras, arrive la Commune de Paris et ces communards, ces foutus communards vont tout foutre en l'air d'une certaine façon. C'est comme cela que c'est vu en particulier par toute une classe intellectuelle, par toute une classe d'écrivains qui ne comprennent pas comment, alors que cette ville moderne était en train d'être terminée, eh bien, on a pu en aussi peu de temps créer des ruines. Et ça fascine et ça bouleverse complètement la vision qu'on peut avoir du temps et du monde. D'abord, vous, Éric Fournier, puis ensuite, Daryl Lee au téléphone. Oui, effectivement, les Versaillais, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, à peu près tous les écrivains français de l'époque, sauf Victor Hugo qui est plus modéré, les Versaillais ne comprennent pas que les communards aient pu détruire non seulement le foyer de la civilisation, mais ce qui était censé être aussi leur propre lieu de mémoire. Par exemple, ils ne comprennent pas qu'ils aient pu brûler les Tuileries et plus encore l'hôtel de ville. Alors qu'en fait, pour les communards, c'est assez cohérent. C'est-à-dire que la défense de la Commune de Paris devenait à la fin de la Commune et au début de la bataille de Paris, devenait supérieure à la préservation du patrimoine parisien. Oui, on raconte que des pompiers auraient entendu dire depuis les buts de Chaumont, tant mieux si ça brûle. C'est ce que disaient les fédérés quand ils voyaient commencer à prendre justement tous ces ouvrages commencer à prendre feu. Oui, tout à fait. Les fédérés les plus déterminés, c'est-à-dire ceux qui combattent jusqu'au bout, assument parfaitement les incendies qu'ils déclenchent eux-mêmes volontairement. Ils avaient annoncé à l'avance « Paris sera à nous, il n'existera plus ». C'était dans le cri du peuple. « Nous nous ensevelirons sous les ruines plutôt que de rendre Paris aux bombardeurs ». Donc, les plus résolus des combattants fédérés assument parfaitement l'incendie, soit comme moyen de défense pour doubler la barricade, soit comme purification de l'espace urbain. Daryl Lee sur ce point. En quelque sorte, il n'y a rien d'étonnant là, parce qu'il faut se rappeler, lors des travaux d'Haussmann, la ville se transforme pas simplement en ville moderne, mais on commence à reprendre le même vocabulaire, le même lexique, les mêmes termes pour décrire la poétique des ruines de la Renaissance, par exemple, ou de l'âge des Lumières. On commence à l'appliquer donc au chantier, à la démolition d'un immeuble, par exemple. Et on se sensibilise déjà à la ruine lors de ces travaux. Alors, qui sont les personnes, dont la vie change à cause de tous ces travaux? Ce sont des centaines de milliers d'ouvriers en plein milieu de Paris qui sont repoussés vers la périphérie, par exemple. Donc, pour eux, la ville est déjà ruine avant même la commune. Donc, reconquérir la ville, en quelque sorte, ça n'a rien d'étonnant. Merci Daryl Lee. On va lire un premier texte. Nathalie Canoui va nous lire un premier texte. Donc là, on est justement dans un itinéraire des ruines de Paris, notice historique sur les monuments incendiés. On trouve ça chez les libraires à Paris en 1871. Et c'est grâce évidemment au magnifique site en ligne Gallica que j'ai pu trouver ce texte, Les ruines de Paris, lu par Nathalie Canoui. Que de crimes, que de désastres. Jamais drame plus terrible n'eut un plus épouvantable dénouement. Si la Commune, dans sa folie furieuse, a voulu laisser derrière elle des souvenirs durables, elle ne pouvait mieux choisir ses moyens. La faim a dignement couronné l'œuvre qu'elle avait conçue, et l'incendie de Paris, venant après le sac des églises, le pillage des maisons, l'assassinat des prisonniers, a fait aux bandits de l'hôtel de ville une auréole de flammes dont leur image restera pour toujours environnée. Quand l'esprit voudra se reporter à la funeste période que tant de forfaits ont remplie, il n'hésitera pas un instant dans ses jugements et mettra de suite les scélérats qui ont semé de ruines la plus belle ville du monde au rang des Hérostrates, des Nérons, des Homards. Parallèles instinctifs, hiérarchie du crime dans lesquels le fou d'Éphèse, le tyran de Rome et le barbare d'Alexandrie n'auront certes pas la première place. Aujourd'hui que Paris se repeuple, et que chaque jour, ses habitants et ses visiteurs vont en pèlerinage aux ruines de nos monuments, il nous a paru opportun de publier cet opuscule, qui sera comme l'itinéraire de la voie douloureuse dont chaque étape est marquée par un deuil de l'art ou de la science. L'hôtel de ville, c'est la plus grande perte que nous ont infligée les pétroleurs de la commune, au point de vue de l'ancienneté de sa date et de sa valeur artistique. L'hôtel de ville était certainement le premier monument civil de Paris. La façade, décorée de statues des illustrations parisiennes, n'a pas été complètement détruite. Il en est de même du pavillon principal, dont une grande partie est à peu près intacte, au moins extérieurement. Théâtre lyrique. Les fédérés y mirent le feu mercredi matin 23 mai. On raconte que, menacée de mort par une bande de communeux chargés de cette infâme mission, la femme du sieur Mial, concierge du théâtre, eut probablement péri dans les flammes si, profitant d'une distraction de ses bourreaux, elle n'avait eu le bonheur de s'enfuir. La perte est énorme. Palais Royal, presque la totalité des appartements de la cour d'honneur qu'habitait le prince Napoléon est en ruine. Le côté qui touche à la rue de Valois est complètement détruit. C'est à l'incendie de ce monument qu'on a pu constater l'acte de férocité des fédérés, dont les journaux ont publié les détails. Tandis qu'on organisait la chaîne pour éteindre les flammes, des tirailleurs de la commune, embusqués sous les arcades de la place, faisaient le coup de feu contre les pompiers et les travailleurs. Les galeries du Palais Royal sont heureusement intactes. Pendant ce terrible incendie, l'émotion a été grande pour les marchands, dont les luxueuses boutiques ornaient les galeries du Palais Royal, ainsi que dans toutes les rues avoisinantes. Un fait curieux comme note historique. Pendant les derniers jours de la commune, le soir, on obligeait les habitants du quartier à assister aux représentations du théâtre français, faisant croire de cette manière que pendant qu'on se battait au dehors, au dedans, Paris conservait sa vie insouciante et se livrait au plaisir, comme par le passé. Formidable texte lu par Nathalie Canoui, sorti des itinéraires des ruines de Paris, notice historique sur les monuments incendiés chez les libraires en 1871. Ça n'est pas le seul guide, pourrait-on dire, qui permet à celui qui vient à Paris depuis la province ou depuis l'étranger de cheminer dans ces ruines de la commune, Éric Fournier. Il y a même une production éditoriale intense de guides spécifiquement consacrés à Paris en ruine. On peut commencer par le guide le plus connu de l'époque, le guide Johann. Oui, qui deviendra le guide bleu plus tard. Exactement. Qui, dans son édition de 1872 et même dans celle de 1876, rajoute une longue préface sur la visite des ruines, quel passage intéressant à regarder, etc., etc. Il y a aussi de petits opuscules qui sortent dès l'été 1871, guide à travers les ruines, guide du touriste dans les ruines, qui propose des itinéraires, qui indique quel endroit aussi précisément des ruines regarder, qui signale même les boutiques déjà rouvertes, parce qu'on n'a quand même pas passé sa journée à visiter seulement des ruines. Et il y a aussi des guides pour l'étranger, mais là c'est plus compliqué. Ludovic Halévy évoque un guide de l'étranger à travers les ruines dont je n'ai pas retrouvé de trace, mais le guide Galignanise, le guide anglais, signale dans son édition de 1872 la liste des ruines également. Alors, Daryl Lee, on voit que ce qui est mis en avant, puisqu'on évoque Hérostrate ou d'autres personnages comme ça, c'est évidemment, ce sont des exemples classiques que souvent, dans cette façon de parler de ce qui se passe, on évoque l'exemple de Pompéi. Mais il y a un avantage à être moderne, c'est qu'il a fallu que quelques heures pour copier le travail de plusieurs siècles, comme le dit Louis Hainaut, et vous le citez dans un de vos articles, Daryl Lee. Justement, ça fait partie des curiosités des ruines de la commune. C'est que ces écrivains ont vu qu'en quelques heures, la ville a changé de visage, de face. Donc Hainaut va dire, toutes récentes qu'elles soient, elles ont déjà la majesté que d'ordinaire le temps seul donne à l'œuvre cruelle de la main des hommes. Cette fois, quelques heures ont produit le lent effet des siècles. Donc ça fait partie de l'étonnement devant ces ruines, c'est qu'en quelques heures, Paris devient une ville telle Rome peut-être ou Pompéi. On peut expliquer, Daryl Lee, ce que vous appelez la curiosité morbide pour ces ruines de la commune. Qu'est-ce qui explique que d'un seul coup, cet événement, cette série d'événements, ait tellement saisi les contemporains qu'au bout du compte, ils se pressent en masse pour pouvoir visiter Paris après la commune? Je tire cette expression, en fait, l'expression « la curiosité de l'horrible » de Gautier, qui a écrit une suite d'articles dans le journal officiel et le journal de l'Oise, qui ont été regroupés par la suite dans un livre intitulé, je crois, « Tableau de siège ». Il dit, tout au début de ces articles, « Nous avions à la fois le désir et l'appréhension de revoir Paris, comme en train de se trouver en face d'un malade trop cher, dont la souffrance a dû altérer les traits jusqu'à les rendre méconnaissables. Que reste-t-il de cette beauté naguère si splendide qu'admirait et jalousait le monde? Que garde de sa physionomie d'autrefois ce visage balafré et marqué d'affreuses brûlures? Ne vaudrait-il pas mieux conserver intacte dans sa mémoire cette grande, noble et charmante figure telle qu'elle était avant le désastre? Sans doute. Mais il y a dans l'âme humaine un besoin de s'assurer de son malheur, de le contempler longuement, d'en apprendre par soi-même les détails. On veut voir ce qu'on sait et qui semble à peine croyable, malgré tant de témoignages. Et puis, la curiosité de l'horrible vous prend malgré vous. Et après avoir résisté quelque temps, on va faire comme les autres son tour de ruine. Eh oui, c'est ça. Alors, tout est là, cette idée de ne pas voir. Et pourtant, on est absolument attiré par... par cette destruction, il faut absolument faire son propre tour pour voir. Sur ce point, Éric Fournier, vous notez que dès le moment de la commune, dès les incendies, un Ludovic à Lévis qui est réfugié du côté de Versailles s'étonne et même est particulièrement troublé et voire choqué de voir des Britanniques qui sont installés à Montretout, là où habite maintenant Jean-Marie Le Pen, donc en face, donc à Saint-Cloud, et de ce haut de Montretout, avec leurs lunettes, regardent les bâtiments en train d'être incendiés, et ensuite il va les revoir, aller visiter ces Anglais, les ruines de la commune. Oui, en effet, Ludovic à Lévis, mais qui là est peut-être un peu hypocrite, parce qu'en fait, les Anglais, eux, au moins, assument pleinement une forme de délectation, sans doute un peu exagérée par Ludovic à Lévis. Avec cette phrase, « The best place to see Paris burn », c'est ça? Voilà, exactement. Et Ludovic à Lévis conclut, « Sa figure rayonne autant que peut rayonner la figure d'un Anglais ». Oui, d'accord. Voilà, donc les clichés, quand même, sont bien présents dans ces notes, mais les Anglais ne sont pas les seuls quand même à avouer une forme de fascination au sens étymologique du terme, c'est-à-dire entre attraction et répulsion, pour les incendies. De la même façon, les Anglais ne sont pas les seuls à apprécier les ruines. Comme l'a dit Daryl Lee, les foules se pressent voir les ruines de Paris. La différence, c'est que les Anglais sont pris en charge par l'agence Cook pour certains d'entre eux, dès le 5 juin, c'est-à-dire dès le rétablissement de la ligne ferroviaire Calais-Paris. C'est le 3 juin, rétablissement de la ligne. Et deux jours plus tard, l'agence Cook commence à organiser des voyages. Exactement. Et qui s'adresse plutôt à la middle class britannique, puisque les aristocrates, eux, peuvent s'y rendre par leurs propres moyens. Mais ils sont ravis. Alors, ils regrettent que plus rien ne fume dans Paris, ceci dit. Ah oui, il aurait fallu avoir continuer à faire brûler un petit peu pour que le spectacle soit complet, c'est ça? Exactement. Et le Figaro signale quand même... aux touristes étrangers, nous indiquons qu'il reste encore une barricade intacte, place Pereire, dépêchez-vous. Oui. Daryl Lee, c'est aussi parce qu'il y a cette ambivalence entre plaisir et horreur que vous mentionnez dans vos articles sur cette histoire, c'est-à-dire qu'on est à la fois, il y a la crainte, la peur évidemment de cette révolte populaire qui bouleverse et qui détruit la plus belle ville du monde, et puis de l'autre côté, le plaisir de se faire peur. Absolument, mais c'est aussi provoqué par ces écrivains qui écrivent dans les journaux et qui partent donc de l'incomparabilité des ruines de Paris et qui font attirer ces propos, qui font attirer les foules de partout, même des États-Unis. Hein. Je sais qu'on a fait des reportages à New York, à Washington DC. Il y a des Américains qui sont partis tout de suite voir les ruines à Paris. Hein. Il a fallu des mois pour y arriver, mais bon, c'est un peu le même phénomène. Alors, c'est ce jeu entre l'incomparabilité et puis tout de suite après une suite de comparaison avec d'autres villes, d'autres moments historiques où il y a des villes dévastées qui attirent les foules. Quelques remarques aussi sur les guides. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en relief notre étonnement aujourd'hui en faisant appel au 11 septembre. Si dans la suite donc de cette catastrophe à New York, il y a 13 ans, on s'imagine des foules se rendre sur les lieux, mais pour s'extasier, comme on disait, devant les ruines du World Trade Center, on serait absolument étonné. Sur un plan moral, ce serait frappant, n'est-ce pas? Mais dans les jours qui suivent la semaine sanglante, il y a ces groupes qui arrivent comme cela pour le plaisir de voir, pour le spectacle. C'est ce que j'appelle, dans un de mes articles, un pittoresque ambivalent. C'est-à-dire qu'on présente le pittoresque, le côté pittoresque des ruines. Et pourtant, derrière tout ça, il y a ces violences, la mort qui règne partout. Ça frappe l'imagination que de voir ça. Il y a eu, à New York, quelques jours après le 11 septembre, des gens qui ont commencé à vendre sur eBay des morceaux des deux centres, et cela a été arrêté mais immédiatement après, tandis qu'à Paris, en 1871, on a commencé tout de suite aussi à vendre des objets, à vendre des photographies, des gravures. À retailler dans le marbre des Tuileries, par exemple, des objets qui étaient ensuite vendus aux touristes. Ces Tuileries, et aussi le ministère des Finances qui était tout proche, c'est ce que décrit dans Une visite aux ruines le fameux Théophile Gautier dont vous parliez tout à l'heure. On est en juin 1871, Nathalie Canoui. Quelques pas nous conduisirent au ministère des Finances. Nous étions 20 jours auparavant sur le plateau de Courbevoie, lorsque l'incendie, crevant les toits, fit explosion dans le ciel comme un volcan, lançant une immense gerbe de fumée où le soleil empêchait d'apercevoir les flammes. Bientôt après, une quantité prodigieuse de papier brûlé s'abattit sur le sol comme des flocons de neige noire. Sur la plupart, on pouvait distinguer encore des reçus ou des quittances et autres formules administratives. C'étaient les lapillis de ce Vésuve, ouvert au milieu de la ville. La façade du ministère, en s'écrasant sur la rue de Rivoli, formait une tumultueuse carrière de blocs, comme on en voit dans le lit des torrents alpestres. La chute du mur démasquait l'intérieur du bâtiment. Et par cette brèche énorme, on voyait des perspectives, des enchevêtrements et des superpositions d'arcades qui rappelaient le Colisée de Rome. À travers les ouvertures, le ciel apparaissait par places et complétait la ressemblance. La flamme, la fumée, la combustion des produits chimiques destinés à produire l'incendie avaient imprimé à ces décombres des tons gris, fauves, roussâtres, mordorés, rembrunis, des colorations étranges qui les vieillissaient et leur donner l'air de ruines antiques. Plus loin, un mur escarpé, semblable à la paroi d'un précipice à demi comblé par une avalanche, restait debout, montrant les baies de ses fenêtres et les arrachements de ses planchers. À l'une de ses fenêtres, chose étrange, pendait intact un store de soie bleue qui n'avait pas été brûlé à ce foyer incandescent, capable de calciner la pierre et de fondre les métaux. Ainsi, il arrive parfois de trouver au bord d'un cratère, parmi les cendres et les scories, une petite fleur d'azur, miraculeusement préservée. Cependant, les omnibus roulaient, effleurant presque les groupes de passants arrêtés et muets d'horreur devant ce lamentable spectacle. La vie invincible de Paris, que rien ne peut tuer, reprenait peu à peu son cours. Ni le siège, ni la commune n'en ont pu venir à bout. Cette ville prétendue frivole a résisté à la famine, au bombardement, à l'incendie, à la guerre étrangère comme à la guerre civile. On la croyait morte à jamais, couchée à terre. La voilà déjà qui se relève à demi sur le coude, promène autour d'elle son regard raffermi et secoue son linceul de ruine. Quelle langue, quelle écriture, donc, Théophile Gautier, Une visite aux ruines, juin 1871, Éric Fournier. Alors, c'est très intéressant ce texte parce que ça me permet de, de compléter ce que disait Daryl Lee à l'instant sur le 11 septembre et la différence avec Paris. En fait, c'est tout simplement que je pense que la poétique des ruines nous est étrangère maintenant. C'est un mode d'appréciation du 19e siècle qui a disparu. Et quand Gautier voit dans les ruines du ministère des Finances une tumultueuse carrière de torrents alpestres ou un précipice... C'est un voyageur. C'est un voyageur. Il arrive à imaginer des ruines à partir de décombres encore fumants. J'ai regardé les photos qui sont sur les bases de données Internet. J'ai quand même passé 5 ans, 6 ans dans les ruines de Paris. J'étais incapable de voir ce que voyait Gautier. Les modes d'appréciation ont changé. Je pense que ça a beaucoup joué. Et il y a aussi sur les ruines, l'usage des ruines, au-delà d'une délectation morbide qui est effectivement présente, c'est montrer que Paris renaît, ouais, Gautier le fort. Dit. C'est aussi tout simplement encourager la justice des vainqueurs, c'est-à-dire par ce crime inouï de l'incendie, finalement les communards ont mérité ce qui leur arrive. Donc là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus politique. On les appelle comment ? On les appelle les pétroleurs à ce moment-là ? Alors, on les appelle les pétroleurs, les pétroleuses, évidemment, invention totalement fantasmée du Figaro en l'occurrence. On les appelle aussi, c'était le texte précédent, les Hérostrates, les Nérons, etc., pour en faire une récapitulation de toutes les barbaries, mais qui reste une sinistre contrefaçon, c'est-à-dire les Hérostrates du ruisseau, par exemple. Daryl Lee, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, ceux qui visitent ces ruines de Paris, beaucoup d'entre eux, en particulier les plus riches et les plus cultivés, ce sont des voyageurs, on l'a dit. Ce sont ceux qui ont pratiqué le grand tour. D'ailleurs, je crois que, je ne sais pas si c'est vous ou chez Éric Fournier que j'ai lu ça, que certains des commerçants ou de l'agence Cook appellent ça... ce sont les cochers de la capitale qui commencent à appeler le circuit de toutes les ruines des Tuileries le Grand Tour, justement, comme une sorte d'ironie par rapport à ce Grand Tour qui était pratiqué par les aristocrates anglais, et pas simplement anglais, au XIXe siècle, dans tous les lieux célèbres de l'histoire. Je crois que c'est Éric Fournier qui en parle dans son livre, qui parle de ce siècle des ruines, mais c'est tout à fait vrai. Ce Grand Tour qui, tout d'un coup, après la Commune, permet aux Parisiens, par exemple, de ne pas quitter Paris, mais qui voient Paris changer en ville autre. C'est-à-dire, la ville salienne de pareil, être différent. Ils ont la possibilité de se mettre en position de faire un récit de voyage à partir de... En restant sur place. En restant sur place. Oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Alors c'est... Allez-y. Non, allez-y. Éric Fournier, ce qui est passionnant, c'est que aussi, vous l'avez dit, ces ruines sont photographiées. Vous dites qu'en 1871, 50% des dépôts photographiques, soit 1800 clichés, traitent de la Commune, mais les deux tiers de ces 1800 clichés sont des photos de ruines. C'est-à-dire que c'est le moment aussi où on a envoyé, et je parlais de Maxime Ducamp auparavant, photographier les grandes ruines d'Égypte, par exemple. On a la pratique de la photographie de ruines, et cette photographie de ruines va s'appliquer aux ruines de la Commune aussi. Pour les populariser d'une certaine façon. Alors pour les populariser, effectivement, les photographes savent photographier des ruines depuis Maxime Ducamp, depuis la mission héliographique aussi qui voulait fixer tous les bâtiments menacés de ruines. Et pendant la Commune, après la Commune, ils savent même construire des ruines. C'est-à-dire que la ruine ne s'offre pas aux Parisiens ni aux photographes. Ce sont des décombres de la guerre civile. Et il y a tout un effort de cadrage et de composition qui est nécessaire. Et ils excellent à participer à la construction du Paris en ruine, finalement. Alors, vous nous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait évidemment une vision politique derrière cette reprise en main de Paris, on la connaît, de M. Thiers, cette reprise en main, et puis aussi ce discours qui allait être tenu sur cette expérience de la Commune. On en a un exemple avec Paul de Saint-Victor, il est auteur de « Barbares et bandits », La Prusse et la Commune, c'est publié chez Léville, Librairie Nouvelle, en 1871. Et c'est un extrait que nous lit Nathalie Canoui de L'Orgie Rouge. L'International, cette franc-maçonnerie du crime, trônait et régnait à l'Hôtel de Ville. Elle avait recruté les routiers et les malandrins de l'Europe entière. Des faussaires polonais, des bravis garibaldiens, des pandours slaves... Des agents prussiens, des flibustiers yankees cavalcadaient en tête de ces bataillons. Paris était devenu l'égout collecteur de la lie et de l'écume des deux mondes. Il expiait par le cosmopolitisme du crime, le cosmopolitisme de corruption dont il s'était fait si longtemps le centre. Ce cabaret de l'Europe, comme on l'appelait élégamment autrefois, n'était plus que son tapis franc. Un tapis franc fétide et sinistre, plein de rixes et de fureurs, où ruisselaient pêle-mêle le vin et le sang. Car l'ivrognerie était l'élément de cette révolution crapuleuse. Une vapeur d'alcool flottait sur l'effervescence de la plèbe. La bouteille fut l'un des instruments de règne de la commune. Ses bataillons marchaient en titubant au combat. Il y avait du délirium très mince dans la furie de leur résistance. Les derniers jours de la commune furent sinistres. L'air était chargé de ces miasmes qui décèlent le voisinage des volcans. Pour qui savait lire à travers leurs réticences lugubres et leurs vagues menaces, les journaux de la commune sentaient déjà le brûlé de Paris. Malgré ces présages, la plus sombre indignation n'aurait pu rêver les horreurs de la lutte finale. Les tueries des prisons, les martyrs de l'archevêque et de ses compagnons de captivité, les tuileries en flammes, l'hôtel de vie embrasé, des rues entières effondrées. Je ne sais quelle horrible contrefaçon de l'atelier appliquée à cet incendie méthodique qui avait ses ouvriers, ses chauffeurs et ses contremaîtres. Les pétroleuses courant avec des gestes de furie à travers ce pandémonium et attisant ces brasiers. La commune enfin disparaissant dans le cratère allumé par elle comme dans une apothéose infernale. Aux lueurs de l'incendie de Paris, le monde a pu voir combien la tyrannie et la démagogie et la démagogie se ressemblent. Néron, à travers les siècles, y passait sa torche à Babeuf. C'est un monument d'anthologie de l'écriture contre-révolutionnaire, en tous les cas, signé Paul de Saint-Victor, Barbares et bandits, Éric Fournier puis Daryl Lee. Alors là, effectivement, on a un texte d'anthologie exemplaire. Tout ce que peuvent dire les Versaillais, je crois, est condensé dans ces quelques lignes. On a l'idée que les communards sont la descendance de Caïn. Ça, c'est Maxime Ducamp. Néron, à travers les siècles, passant sa torche à Babeuf, ce qui permet de montrer que seuls voilà, des barbares surgissent vraiment des bas-fonds de l'humanité géographique, la liée l'écume des deux mondes, mais aussi temporelle, comme si des hordes ressuscitaient. Seuls eux peuvent oser s'attaquer et vouloir détruire Paris. Exactement, les bravis garibaldiens, les pandours slaves et les flibustiers yankees dont vous faites partie, Daryl Lee. Cette métaphore, je vais partir dans un autre sens, c'est qu'on parlait tout le temps de la démence et de la folie des communards. C'est une façon donc de rendre pathologique tout acte, quel que soit l'acte en question d'un communard. Par exemple. L'acte un acte qui est pourtant revendiqué comme étant politique, il est considéré par ces anti-communards comme un acte de folie, c'est ça ? Tout à fait, de démence, de folie. Donc c'est la pathologie qui, de ces communards, qui justifie la répression des fusillades et la mort de masse des communards. Mais on sent aussi dans un texte comme celui-ci, Daryl Lee, on sent la peur. On sent la peur de ces écrivains, de ces intellectuels, de ces classes plutôt favorisées. Devant ces insurgés, absolument. Devant ces insurgés, la peur, c'est l'angoisse. Mais c'est aussi s'apprêter à un discours qui durera jusqu'à la Première Guerre mondiale, je crois, parce que c'est la tension qui existe entre le travail, entre les ouvriers, ça va continuer. Donc on va voir dans des textes bien plus tard, à la fin du siècle, encore la référence aux communards comme étant le modèle de tout ce qui perturbe la société, la stabilité donc de la République, par exemple. Et c'est faisant appel à ce moment de démence, par exemple dans le texte de Saint-Victor, que l'on affirme du côté des Versaillais cette idée des communards. Éric Fournier. Oui, effectivement, la mémoire de la commune est utilisée après par les autorités pour inciter à la paix sociale. Et l'incendie dans les mémoires, avec l'exécution des otages, reste le principal crime attribué aux communards, qui les rend finalement inaptes à toute forme... D'humanité, d'une certaine façon. Voilà, d'humanité. Mais il y a un transfert victimaire de la part des Versaillais, parce que si l'on fait un décompte, la commune n'a exécuté personne avant la semaine sanglante. Mmh. C'est dans l'intensité des combats que des otages sont fusillés dans des conditions d'ailleurs où certains communards ont voulu s'y opposer. Donc lorsque les Versaillais insistent sur les otages et les incendies, ça permet aussi de faire oublier que la principale répression fut tout de même versaillaise. Oui, qui a fait combien de morts ? Ça, c'est un vaste débat. Robert Tombes, dans un livre, un article récent, a relancé le débat. Lui, il dit un peu moins de 10 000. C'est revu à la baisse, alors qu'avant, on était sur un chiffre entre 15 et 20 000. Mais même avec un peu moins de 10 000 morts, ça reste quand même le plus grand épisode de violence contre des non-combattants d'armée régulière en Europe au XIXe siècle. Robert Tombes, dont il faut dire que c'est un des très grands historiens de la Commune, qu'il était à Paris il y a peu de temps et qu'il revient à la fin du mois, c'est ça ? Exactement. Les éditions Libertalia ont publié la traduction de son ouvrage « The Paris Commune » sous le titre « Paris bivouac des révolutions ». Il est professeur à Cambridge, c'est l'un des plus grands spécialistes de la Commune avec Jacques Rougerie. Et il sera à Paris les 28 et 29 mai, à la librairie Envie de lire à Ivry et à la librairie Quilombo à Voltaire. On veut donc connaître son œuvre et le découvrir, en tous les cas, Robert Tombes, il faut se rendre le 28 et le 29 mai dans cette librairie Envie de lire. Eh bien, Envie de lire, dernier extrait de lecture par Nathalie Canoui. On est dans les 500 millions de la Bégum et je vous demanderai de réagir puisque vous avez travaillé sur ce sujet-là, justement, d'Harriet Lee, les 500 millions de la Bégum de Jules Verne. On est en 1870. 19, si je ne me trompe. Tout à coup, l'édifice et la cave même furent secoués comme par l'effet d'un tremblement de terre. Une détonation formidable, pareille à celle de trois ou quatre batteries de canons tonnant à la fois, déchira les airs, suivant de près la secousse. Puis, après deux à trois secondes, une avalanche de débris projetés de tous les côtés retomba sur le sol. Ce fut pendant quelques instants un roulement continu de toits s'effondrant, de poutres craquant, de murs s'écroulant au milieu des escades claires, des vitres cassées. Enfin, cet horrible vacarme prit fin. Octave et Marcel quittèrent alors leur retraite. Si habitué qu'il fût aux prodigieux effets des substances explosives, Marcel fut émerveillé des résultats qu'il constata. La moitié du secteur avait sauté, et les murs démantelés de tous les ateliers voisins du bloc central ressemblaient à ceux d'une ville bombardée. De toutes parts, les décombres amoncelés, les éclats de verre et les plâtres couvraient le sol, tandis que des nuages de poussière, retombant lentement du ciel où l'explosion les avait projetés, s'étalaient comme une neige sur toutes ces ruines. Voilà un extrait des 500 millions de la Bégum de Jules Verne. Vous avez écrit un article, et on va terminer là-dessus peut-être avec vous, Daryl Lee, qui s'appelle « L'imaginaire catastrophique du Paris de la Commune ». Parce que vous pensez que quand Jules Verne écrit les 500 millions de la Bégum, il a en tête justement à la fois ces incendies, ces explosions de la Commune, et que, pas simplement parce que c'est un communard qui lui a donné l'argument de ces 500 millions de la Bégum, mais parce qu'il y a là le traumatisme d'un écrivain qui n'a peut-être pas connu cette Commune directement, mais dans ses récits, il les transforme en romans. Absolument. Il faut dire aussi que Verne tire l'idée de ce roman de Pascal Grousset, qui faisait partie de la Commune, c'est-à-dire qu'il était au courant, il avait vu toutes ces violences. Et donc c'est Verne qui va terminer l'idée par ce roman bien plus soigné. C'est un roman qui projette à l'avenir et aussi aux États-Unis un conflit entre une ville allemande, Stalstadt, prussienne, la ville d'acier, oui, tout à fait, et puis Franceville, une ville, dessinée par un Français, un hygiéniste, un philanthrope, et donc on voit opposer la France et l'Allemagne. Alors, je crois que à premier abord, c'est évidemment un roman qui fait partie du courant de revanchisme, qui du côté des Français, voudrait la vengeance contre l'Allemagne pour la guerre franco-prusse. Mais à mon avis, les images, les tropes, les métaphores, les scènes de destruction évoquent plutôt Pompéi, évoquent plutôt ce que l'on retient des descriptions de Paris après la Commune en particulier, toutes ces comparaisons à Pompéi. Alors, c'est assez radical, où vous avez donc un engin, vous avez un obus qui explose, c'est de l'acide carbonique, quelque chose comme cela, qui va détruire très peu de choses, mais qui laisse les personnes pétrifiées. Donc ça évoque évidemment Pompéi et tout ce qu'on a dit sur Paris. Comme Pompéi moderne, d'une certaine façon. Par d'autres. Tout à fait, ouais. Absolument. Donc ouais. Pour moi, c'est un roman qui reprend à l'avenir et ailleurs, cet ailleurs qui est le terrain utopiste des États-Unis à la fin du 19e siècle, ça reprend l'image de Paris après la Semaine sanglante. Mm-hmm. Voilà. Merci, Daryl Lee. Un dernier mot, Éric Fournier, cet imaginaire de ces incendies de la Commune, il dure longtemps, transporté par les photographies, parce que tout compte fait, Paris finit par se reconstruire, 1882, reconstruction de l'hôtel de ville. Mais pendant toutes ces années, on en a parlé, on l'a vu, on l'a visité, ça dure un peu longtemps ? On peut dire globalement que la mode cesse à partir de 1872, d'abord parce que la plupart des ruines sont en chantier. Rimbaud parlait de palais morts cachés dans des niches de planches. Et donc, il reste quoi ? Il reste les Tuileries, jusqu'en 1882, et les ruines d'Orsay, jusqu'en 1900, qui elles sont visitées, mais c'est les seules en fait. Et donc après, néanmoins, ceux qui ont visité peuvent avoir gardé en tête justement cette catastrophe dans la plus belle ville du monde pour pouvoir justement la repousser. Oui, mais c'est l'idée que Paris renaît surtout, en fait, de ces ruines qui les fascinent le plus. Merci à vous, Éric Fournier. Vous êtes auteur de Paris en ruine, du Paris haussmannien au Paris communard. C'était chez Imago en 2008. Merci à Nathalie Canoui qui a lu des textes pour nous, à Daryl Lee qui est resté levé donc jusqu'à 2h du matin depuis son université. Merci à vous, Daryl Lee. Et puis, félicitations, Éric Fournier, pour votre élection donc comme maître de conférence. C'était, on l'a appris hier, à la Sorbonne. D'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, Dalia était à la technique et Séverine Cassa à la réalisation.